un prêtre nommé Bézuel, qui enseigne aux enfants à lire, a vu une apparition il y a 10 ans. Suite à cela, il termina ses études pour endosser l'état ecclésiastique, et devint le curé de Valognes, France. Il vécut longtemps, estimé de ses paroissiens et de toute la ville, pour son bon sens et son amour de la vérité. Comme cela fit beaucoup de bruit à cause de sa sincérité et droiture, j'eus la curiosité de l'entendre lui-même conter son aventure. Une dame de mes parentes qui le connaissait l'envoya prier à dîner, le 7 janvier 1708. Comme moi, Dufresnoy, lui marquait le désir de savoir la chose de lui-même, il ne la conta avant dîner sans se faire prier. En 1695, dit monsieur le curé Bézuel, alors jeune écolier d'environ 15 ans, je connus les deux fils de monsieur Desfontaines, procureur, écolier comme moi. L'aîné était de mon âge, s'appelait Desfontaines, le cadet avait 18 mois de moins que moi. Nous faisions nos promenades et toutes nos parties de plaisir ensemble. Et soit que Desfontaines eût plus d'amitié pour moi, soit qu'il fût plus gai, plus complaisant, plus spirituel que son frère, je l'aimais aussi davantage. En 1696, nous promenant tous deux dans le cloître des Capucins, il me conta qu'il avait lu depuis peu une histoire de deux amis qui s'étaient promis que celui qui mourait le premier viendrait dire des nouvelles aux vivants. Et que le mort revint lui dire des choses très surprenantes. Sur cela, Desfontaines me dit qu'il avait une grâce à me demander, qu'il la demandait instamment, c'était de lui faire une pareille promesse, et que de son côté, il me la ferait. Je lui dis que je ne voulais pas, et il fut plusieurs mois à m'en parler très souvent et je résistais toujours. Enfin vers le mois d'août 1696, comme il devait partir pour aller étudier à Caen, il me pressa tant, les larmes aux yeux, que j'y consentis. Il tira dans le moment deux petits papiers tout prêts qu'il avait écrits, l'un signé de son sang, où il me promettait, en cas de mort, de venir me dire des nouvelles, l'autre où je lui promettais pareille chose. Je me piquai au bout du doigt, il en sortit une goutte de sang avec laquelle je signai mon nom. Il fut ravi d'avoir mon billet, et en m'embrassant il m'en fit 1000 remerciements. Quelque temps après il partit avec son frère, notre séparation nous causa bien du chagrin. Nous nous écrivions de temps en temps de nos nouvelles. Il n'y avait que 6 semaines que j'avais reçu de ses lettres, lorsqu'il m'arriva ce que je vais vous dire. Le 31 juillet 1697. Il me souviendra toute ma vie de feu monsieur de Sortoville, auprès de qui je logeais, et qui avait de la bonté pour moi. Il me pria d'aller un prêt près des Cordeliers, et aider à presser ces gens qui faisaient son foin. Je n'y fus pas un quart d'heure, vers les 2h30, que je me sentis tout d'un coup étourdi et surpris d'une faiblesse. Je m'appuyai en vain sur ma fourche. Il fallut que je me mette sur du foin environ une demi-heure pour reprendre mes esprits. Cela passa, mais comme rien de semblable ne m'était jamais arrivé, j'en fus fort surpris et je craignais le commencement d'une maladie. Il ne m'en resta cependant que peu d'impression le reste du jour. Il est vrai que la nuit je dormis moins qu'à l'ordinaire. Le lendemain par ailleurs, comme je menais, auprès de monsieur de Saint-Siméon, petit-fils de monsieur de Sortoville qui avait alors 10 ans, et me trouvais en chemin attaqué d'une pareille faiblesse. Je m'assis sur une pierre à l'ombre, et cela se passa, et nous continuâmes notre chemin. Il n'arriva rien de plus ce jour-là, et la nuit je ne dormis guère. Enfin le surlendemain, deuxième jour d'août, étant dans le grenier où on serrait le foin à portée du pré, précisément à la même heure, je fus pris d'un pareil étourdissement et d'une pareille faiblesse, mais plus grande que les autres. Je perdis connaissance et un des laquais s'en aperçut, et cria en bas au secours. On me fit un peu revenir, mais j'avais l'esprit plus égaré que les autres fois. On m'a dit qu'on me demanda alors qu'est-ce que j'avais répondu. J'ai vu ce que je n'aurais jamais cru. Ça veut dire qu'il ne croyait pas que les morts revinssent comme il nous l'expliqua lui-même. Mais il ne se souvint, ni de la demande, ni de la réponse. Cependant il se souvient d'avoir vu comme une personne torse nue, qu'il ne reconnut pas. On m'aida à descendre l'échelle, je me tenais bien aux échelons. Mais au bas de l'échelle je vis mon camarade Desfontaines et la faiblesse me reprit. Ma tête s'en alla entre deux échelons et je perdis encore connaissance. On me descendit et l'on me mit sur une grosse poutre qui servait de siège dans la grande place des Capucins. Je m'y assis et ne vis plus alors, ni monsieur de Sortoville, ni les domestiques, quoique présents. Vers le pied de l'échelle, j'aperçus des fontaines qui me faisaient signe de venir à lui. Je me reculai sur mon siège comme pour lui faire place, et ceux qui me voyaient, que je ne voyais pas quoique j'eus les yeux ouverts, remarquèrent ce mouvement. Comme il ne venait pas, je me levai pour aller à lui. Il s'avança vers moi, et me prit le bras gauche de son bras droit, et me conduit à 30 pas de là, dans une rue écartée, me tenant ainsi sans me quitter. Les domestiques croyant que mon étourdissement était passé et que j'allais à quelque nécessité, s'en allèrent chacun de leur côté à leur besogne, excepté un petit laquais qui vint dire à monsieur de Sortoville que je parlais tout seul. Monsieur de Sortoville crut que j'étais ivre, il s'approcha et m'entendit faire quelques questions et quelques réponses qu'il m'a dites depuis. Je fus là près de 3/4 d'heure à causer avec Desfontaines qui dit « Je t'ai promis que si je mourais avant toi, je viendrai te le dire. Je suis mort. Je me suis noyé avant-hier à la rivière de Caen à peu près à 7 heures-ci. J'étais en promenade avec un tel. Il faisait si chaud qu'il nous prit l'envie de nous baigner. Il me vint une faiblesse et tombait au fond de l'eau. Mon camarade, l'abbé de Ménilgen, plongea pour me reprendre, et je saisis son pied. Mais soit il eut peur parce que je le serrais bien fort, soit il voulut remonter promptement de l'eau. Il secoua si rudement qu'il me donna un grand coup dans la poitrine et me rejeta au fond de la rivière, qui est là fort profonde. Desfontaines me conta ensuite tout ce qui leur était arrivé durant leur promenade, et de quoi ils s'étaient entretenus. J'avais beau lui faire des questions, s'il était sauvé, s'il était damné, s'il était au purgatoire, si je le suivrais de près. Il continua son discours comme s'il n'avait pas entendu, ou comme s'il n'eût pas voulu m'entendre. Je m'approchai plusieurs fois pour le serrer, et il me parut que je ne serrais rien. Je sentais pourtant bien qu'il me tenait fortement le bras, et quand je tâchais de détourner ma tête pour ne plus le voir, il me secouait le bras comme pour m'obliger à le regarder et à l'écouter. Il me paraissait plus grand que je ne l'avais vu, plus grand même lorsque mort, quoiqu'il avait dû grandir depuis 10 mois que nous nous étions vus. Je le vois encore, torse nu, la tête nue avec ses beaux cheveux, et un écriteau blanc sur son front, entortillé dans ses cheveux, sur lequel il y avait de l'écriture, mais je ne peux lire que ces lettres, I, N. C'était son même son de voix, il me paraissait ni gai ni triste, mais dans une situation calme et paisible. Il me pria de dire certaines choses à son père et sa mère quand son frère serait revenu. Il me pria aussi de dire les 7 psaumes de la pénitence, qu'il avait eu en pénitence le dimanche précédent, mais n'avait pas encore récité, c'est une pénitence que l'on donne fort communément, surtout aux écoliers. Il me dit encore de parler à son frère. Puis il s'éloigna de moi en disant « Jusque, jusque ». C'était le terme ordinaire dont il se servait quand nous nous quittions après la promenade, pour retourner chacun chez nous. Il me dit que lorsqu'il se noya, son frère écrivait une traduction et s'était repenti de l'avoir laissé aller sans lui, craignant quelque accident. On sait que le régent donne aux écoliers des vers de traduction à faire, ils les font puis vont se promener. Il me dépeint si bien l'endroit où il se noya, et l'arbre de l'avenue de Louvigny, où il avait gravé quelques mots, que 2 ans après, me trouvant avec feu le chevalier de Gotteau, ou Otto, un de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il se noya, je lui démarquai le même endroit. Et en comptant les arbres d'un certain côté, comme Desfontaines m'avait spécifié, j'allais droit vers l'arbre où je retrouvais son écriture. Il me dit aussi que l'article des 7 psaumes était vrai puisqu'il s'était dit leur pénitence au sortir de confession. Son frère me dit depuis qu'il était vrai qu'à cette heure-là, il écrivait sa version, et qu'il se reprocha de n'avoir pas accompagné son frère. Comme je passais près d'un mois sans pouvoir faire ce que me dit Desfontaines à l'égard de son frère, il m'apparut encore 2 fois, une fois avant dîner, à une maison de campagne où j'étais allé à 1 lieue d'ici. Je me trouvais mal et dit qu'on me laisse un moment, que ce n'était rien, que j'allais revenir. J'allais dans le coin du jardin et Desfontaines m'apparut. Il me fit des reproches de ce que je n'avais pas encore parlé à son frère, et m'entretint 1/4 d'heure sans vouloir répondre à mes questions. En allant le matin à Notre-Dame de la Victoire, au lycée Cordelier, il m'apparut encore, mais encore moins de temps, et me pressa toujours de parler à son frère, sans vouloir répondre à mes questions. Et il me quitta en me disant toujours, jusque, jusque. C'est chose remarquable que j'avais toujours une douleur au bras, à l'endroit où il me saisit la première fois, jusqu'à ce que je parle à son frère. Je fus 3 jours sans dormir 1 heure, dans l'étonnement où j'étais. Au sortir de là, toute première conversation, je dis à Monsieur de Varouville, mon voisin et camarade d'école, à présent à l'armée dans le régiment de Touraine, que Desfontaines avait été noyé et qu'il venait de m'apparaître pour me le dire. Il était parti en courant chez les parents du mort pour savoir si cela était vrai. On venait de recevoir la nouvelle, et il revint et me dit en pleurant, « Cela n'est que trop vrai. Il ne m'est rien arrivé depuis, voilà mon aventure au naturel. » On l'a conté diversement, mais je ne l'ai conté que comme je viens de vous la dire. Le feu chevalier de Gotteau m'a dit que Desfontaines est aussi apparu à Monsieur l'abbé de Ménilgent, qui demeure du côté d'Argentan, à 20 lieues d'ici.